بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل قراءتنا ودراستنا في كتاب الصلاة سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبعد، donc on va continuer, Inch'Allah, sur la lecture du livre et l'étude du livre de la prière, en implorant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actions. Wa an yuthabbitana bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Donc dans la dernière assise, on s'est arrêté sur Alhamdulillah, sur la lecture de Sourate Al-Fatiha, Ahsant. Et on avait évoqué certaines questions concernant la lecture de Sourate Al-Fatiha et on avait commencé par la question très importante concernant Al-Basmala. Puisque nous sommes arrivés au propos où l'auteur nous dit dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que dans la description on a parlé de demander refuge auprès d'Allah après doa al-istiftah, comme on avait dit, après takbirat al-ihram on invoque Allah azza wa jal avec l'invocation d'ouverture doa al-istiftah, thumma yasta'idh billah, yani al-musalli, ensuite le prieur demande et recherche protection et refuge auprès du Créateur, subhanahu wa ta'ala, et ensuite, yubasmil, il dit bismillah ar-Rahmani ar-Rahim, qui se nomme al-Basmala, al-Basmala. Et donc, parmi les grandes questions qu'on a traitées, on va donc reprendre directement sur l'étude de Kitab al-Salah, parmi les grandes questions qu'on a traitées, est-ce que le basmala est un verset indépendant ou bien c'est un verset qui fait partie de la sourate al-Fatiha? Et donc ça c'est une grande question qu'ont traité les savants. Et on avait dit qu'on allait résumer cette question très brièvement. De sorte que certains savants considèrent que al-basmala est un verset parmi les sept versets de sourate al-Fatiha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de désaccord sur le fait que Al-Fatiha comprend sept versets. Donc elle est composée de sept versets. Sauf la question chez les savants, est-ce que Al-Basmala, le fait de dire Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, fait partie de ces sept versets ou bien c'est un verset indépendant? C'est un verset indépendant qu'on récite au début de chaque sourate mais qui ne fait pas partie forcément de la sourate en elle-même, comme par exemple de sourate Al-Fatiha. Certains savants considèrent que le basmala fait partie de Al-Fatiha. Donc c'est un verset parmi les sept versets de la sourate Al-Fatiha de l'ouverture. Et d'autres savants, grands savants musulmans, considèrent que le Fatiha, non, c'est un verset indépendant, mais il ne fait pas partie des sept versets de sourate Al-Fatiha. On dit, on récite Al-Basmala, sauf que le verset ne fait pas partie. Ne fait pas partie de Al-Fatiha. On le récite, mais il est indépendant. Il est indépendant. Et c'est pour ça, vous avez la faïda, c'est que vous pouvez retrouver certains masahif dans certains Corans. Si vous regardez, Il y a certains masahif où, lorsque vous regardez la Sourate al-Fatiha, vous allez voir que la basmala, il y a Rakm al-Awwal, c'est le premier verset. Et parfois, vous allez voir dans d'autres Corans que le premier verset, le numéro 1, premier verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est le premier verset. Donc, certains masahif, on retrouve que Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim concernant le Fatiha est le premier verset. Et dans d'autres masahif, vous pouvez voir que le premier verset c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lorsque vous voyez que le premier verset c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, de ce fait-là, Al-Basmala, c'est un verset indépendant. C'est un verset qu'on récite au début de chaque sourate, sauf, comme on avait dit, Sourate Al-Bara'a, la Sourate Al-Tawba, la 9e sourate. Et donc, de ce fait, ça n'exclut pas le fait, quel que soit l'avis, que le Basmala est un verset indépendant, ou bien que le Basmala est un verset intégrant, qui fait partie de Al-Fatiha, ça n'exclut pas le fait que la Fatiha reste quand même composée de 7 versets. Sauf que, si on inclut Al-Basmala, alors, le 7e verset, c'est غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça c'est un verset. C'est le dernier verset, c'est le 7e verset. Si on inclut Al-Fatiha, Al-Basmala dans Al-Fatiha, c'est comme on vient de citer. Si on n'inclut pas le premier verset, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc ensuite, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc on a 2 versets. Dans tous les cas, le Fatiha est composé de 7 versets. L'avis de la majorité des savants, est que Al-Fatiha, ou plutôt le Basmala, concernant le Fatiha, est un verset indépendant. C'est un verset indépendant. Et que le Fatiha commence avec le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme c'est l'avis de l'auteur, Cheikh Mohamed ibn Saleh al-Uthaymeen, comme on l'a appris hier dans la dernière assise. Et ça, c'est l'avis, comme on l'a dit, de la majorité des savants, et c'est l'avis des savants d'obédience hanafite, ce qu'on appelle al-Hanafiyya, ou al-Malikiyya, ou al-Hanabila, wa hukiya al-Ijma'u ala dhalik, wa hukiya al-Ijma'u ala dhalik. Ça, c'est l'avis des savants qui sont d'obédience hanafite et aussi malikite, comme des savants qui sont d'obédience hanbalite. Donc, c'est l'avis célèbre chez Al-Hanafiyya ou Al-Malikiyya et Al-Hanabila. Et certains savants ont même mentionné Al-Ijma'. Certains savants ont même mentionné Al-Ijma' concernant le fait que le Basmala est un verset indépendant. On récite Al-Basmala avant de réciter la sourate, mais c'est un verset qui est indépendant. Et quoi qu'il en soit, adadu ayat al-Fatiha sab'a. Et quoi qu'il en soit, par contre, le nombre des versets de la sourate al-Fatiha sont au nombre de 7, comme on l'a dit précédemment. C'est pour ça qu'elle est nommée sab'a al-Mathani. Et concernant le fait qu'il y a 7 versets, elle est comprise. Elle composée de 7 versets. Naqal al-Ijma' ala kawn al-Fatihati 7 ayat Ibn al-Munzir wa Ibn Abd al-Barr wa Ibn al-Arabi wa al-Qurtubi wa al-Nawawi wa Ibn Taymiyyah wa Ibn Kathir wa al-Shawkani. Tous ces savants-là qu'on vient de citer ont mentionné un consensus et un accord chez les grands savants musulmans que la sourate al-Fatiha est composée de 7 versets. Donc, que le Basmala soit inclus, qu'elle en fasse partie ou non, il y a un accord et un consensus chez les savants, c'est unanime, qu'elle est composée de 7 versets, la sourate Al-Fatiha. Et on a dit que plus d'un parmi les grands savants ont mentionné l'ijmar et l'unanimité, le consensus, comme c'est le cas d'Ibn al-Munzir qui a mentionné le consensus, ou Ibn Abd al-Barr, par exemple, Ibn al-Arabi, Al-Qurtubi, والإمام النووي كذلك وابن تيمية وابن كثير والإمام الشوكاني والإمام كذلك الشوكاني tous ont mentionné الإجماع. الإجماع في مسألة أو كون الفاتحة سبع آيات. سبع آيات. Ensuite, est-ce que le basmala, elle en fait partie ou non? On a dit que la majorité des savants penchent sur le fait qu'elle n'en fait pas partie, c'est un verset indépendant. Et la preuve à cela, comme l'a mentionné l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen, il mentionne le hadith, comme on l'a cité hier, hadith Abi Huraira, radiallahu ta'ala an, لما قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفيني. Et beaucoup de savants se basent sur ce hadith là que Abu Huraira rapporte que le prophète صلى a dit que Allah a dit j'ai partagé la prière en deux. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفيني. Et c'est As-Salat, la prière traduite littéralement, c'est le Fatiha. C'est le Fatiha qui est sous-entendu. Et, إِذْ قَالَ الْعَبْدُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Et donc on voit que dans le hadith, le Fatiha est débuté par أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ. Et de ce fait, ça fait partie des preuves sur lesquelles se sont basés beaucoup de savants pour dire que Al-Basmala, c'est un verset indépendant. Un verset indépendant. Cette question, les savants l'ont traitée, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que comme a fait référence allusion Cheikh Al-Uthaymeen dans son livre, celui donc qui a oublié, qui a omis de réciter le Basmala, il a oublié de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim avant sa récitation de Al-Fatiha. Si elle ne fait pas partie de Al-Fatiha, c'est pas comme si qu'il n'a pas récité Al-Fatiha. Tandis que si, selon l'avis des savants, qu'elle fait partie de Al-Fatiha, celui qui ne récite pas le Basmala, c'est comme s'il n'a pas récité Al-Fatiha en entier. Il n'a pas récité entièrement. Vous voyez déjà, là, parmi les conséquences concernant l'avis qu'on peut avoir sur cette question. C'est pour cela que Cheikh dit « Walihada » لو أسقط المصلي البسملة متعمدا فصلاته صحيحة لأنها ليست من الفاتحة فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. Et c'est pour ça que Cheikh ensuite il stipule, il dit bien de ce fait si une personne لو أسقط المصلي s'il n'a pas récité le basmala, par exemple il a directement dit par exemple, il a fait al-istihada, a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim. Ensuite, il commence, alhamdulillahi rabbil alamin. Il a oublié, il a omis de réciter le basmala. Sa fatiha est valable. Sa fatiha, sa récitation est authentique et elle est valable. Et donc, on va continuer, inshallah. Ça, c'était la question, c'est le résumé. C'est le résumé. Concernant la question liée au verset Al-Basmala. Ensuite, l'auteur a mentionné, après avoir mentionné cette question-là, les hadiths qui mentionnent l'obligation de réciter la sourate Al-Fatiha dans la prière. Que le prieur ne peut pas se passer de la lecture de sourate Al-Fatiha pour la validité de sa prière. Pourquoi ? Puisque le premier hadith qui est mentionné, c'est le hadith qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Le hadith de Ubad ibn Samit. Lorsqu'il rapporte que le prophète Sam a dit « La salata liman lam yaqrabi fatihati al-kitab »« La salata liman lam yaqrabi fatihati al-kitab » Il n'y a point de prière pour celui qui n'a pas récité l'ouverture du livre, c'est-à-dire la sourate Al-Fatiha. Donc le prophète Sam ici a nié la prière, c'est-à-dire qu'il y ait salat pour celui qui n'a pas récité le Fatiha. Donc il faut obligatoirement réciter le Fatiha. Wali Muslim min hadithi Wali Muslim min hadithi Abi Huraira man salla salatan lam yaqra fiha bi umm al-Qur'an fa hiya khidajun thalathan ghayru tamam fa qila li Abi Huraira inna nakunu wara al-imami فقال فقرأ اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك. وذكرنا هذا الحديث وله عن عطاء رحمه الله تعالى قال قال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمعناكم أسمعناكم وما أخفى منا وأخفينا منكم. قال له رجل إن لم أزد على أم القرآن؟ فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. وتوقفنا عند هذا الحديث في الحلقة الماضية. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال قلنا يا رسول الله أي والله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه الترمذي واللفظ له وحسنه أبو داود وفي رواية له هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك. قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. رواه النسائي نحو الرواية الثانية لأبي داود، ورواه الدرقطني وقال كلهم ثقات. Désolé, juste quelques instants, désolé. Donc là, le dernier cours, on avait récité ces hadiths-là. Et donc, ces hadiths-là sont immensément importants concernant la question de l'Fatiha dans la prière. Donc je vous lis la traduction des hadiths qu'on vient de lire. Alors, il est rapporté que le prophète sallam a dit « Quiconque accomplit une prière sans y réciter la mère du Coran, Umm al-Qur'an, vous savez, ça c'est une appellation. C'est une appellation aussi de Surat al-Fatiha. De Surat al-Fatiha. C'est une appellation Umm al-Qur'an. Al-Sab' al-Mathani, Al-Sab' al-Ma'ani. Taïb. Alors le prophète dit, celui qui ne la récite pas, sa prière sera incomplète. On dit alors à Abu Huraira, et lorsque nous prions derrière l'imam, même lorsqu'on prie derrière l'imam, il répondit, récite-la pour toi. Récite-la pour toi. Il rapporte également, d'après Atta, que Abu Huraira a dit, il récitait dans chaque prière, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait entendre en récitant en voix haute, nous vous le faisons entendre, et ce qu'il nous a caché en récitant à voix basse, nous vous le faisons entendre, et ce qu'il nous a caché, nous le cachons. Un homme lui demanda, et si je récite pas plus que la mère du Coran, c'est-à-dire que le Fatiha. Il lui répondit, si tu ajoutes d'autres versets, cela sera mieux, mais si tu t'arrêtes après la Fatiha, cela te suffira. Donc regardez, dans Atta, rapporte que Abu Huraira a dit, il récitait dans chaque prière. Et ce que le messager d'Allah nous a fait entendre en récitant à voix haute, nous vous le faisons entendre. Et ce qu'il nous a caché, c'est-à-dire en récitant à voix basse, nous vous le cachons. Et dans un autre hadith de Usama ibn Samit, le messager d'Allah dirigea la prière, Salat al-Subh. Hier, on s'est arrêté sur ce récit. Salat al-Subh. Il éprouva des difficultés. Ensuite, le prophète sallam a récité. C'est had al-hadith. Fassalla Rasulullah sallam al-Subh, fathapulat alayhi al-qira'a. Falam ansaraf, qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Wara'a imamikum. Et là, le messager d'Allah sallam dirigeait la prière du Subh. Il éprouva des difficultés à réciter. Il est dit. Et lorsqu'il termina, il dit, je vois que vous récitez derrière votre imam. Je vois que vous récitez derrière votre imam. Nous lui répondîmes par Allah, c'est vrai. Alors, il dit alors, ne le faites pas, sauf pour la mère du Coran, c'est-à-dire Al-Fatiha. Car il n'y a point de prière pour quiconque ne la récite pas. Rapporté par Tirmidhi, rapporté ce hadith dans cette version. Il l'a jugé bon et Abu Daoud l'a rapporté également. Il est même rapporté aussi dans un récit qu'un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les gens derrière son dos pendant la prière. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, s'est adressé à ses compagnons et dit, « Waladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme entre ses mains, j'ai vu vos inclinaisons et vos prosternations de derrière mon dos. » C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de derrière son dos, alors qu'il était retourné, Allah lui a fait voir les inclinaisons et les prosternations des compagnons derrière. Et ça, c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté. On viendra à ça dans la question de l'inclinaison. On citera ce récit-là dans la question de l'inclinaison. Sauf que les savants disent c'est un miracle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à ce moment précis. Pas qu'il n'y a pas de preuve qui stipule que d'une manière générale, le prophète voyait derrière son dos. Mais ils disent, c'est une preuve spécifique qu'à un moment donné dans la prière, le prophète a pu voir les compagnons derrière leurs inclinaisons et leur prosternation. Et ça, c'est l'un des miracles qu'a eu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, dans ce récit qu'on vient de citer, alors il est dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il dirigeait, un jour, il a demandé à ses compagnons, est-ce que vous récitez ? Vous récitez pendant que lui récite. Ils ont dit oui, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne le faites pas. Et de là, on avait appris qu'on ne doit pas réciter. Pendant que l'imam récite, les fidèles derrière ne doivent pas réciter. Et regardez dans une autre riwaya, dans une autre version du récit. وروى النسائي نحو الرواية الثانية على أبي داود, comme il est dit, il a dit, est-ce que vous récitez lorsque je récite à voix haute? قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Regardez dans ce récit, il est dit, dans le récit précédent, on a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lorsque je récite à voix haute? Est-ce que vous récitez lorsque je récite à voix haute? Certains ont répondu, effectivement, nous le faisons. Alors le prophète a dit, ne le faites plus. Je me suis dit, mais compte-t-il à me troubler pendant que je récite le Coran? Ne lisez pas le Coran lorsque je récite à voix haute, sauf la mère du Coran, c'est-à-dire Al-Fatiha. Donc vous avez vu dans ce récit, comme on l'a cité précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit de ne pas réciter pendant. Et dans l'autre version du récit, quant au hadith rapporté par Abu Hurayra, il est rapporté que le messager d'Allah, après avoir fini une prière dans laquelle il avait récité à haute voix, il dit, écoutez bien, est-ce que l'un d'entre vous vient de réciter en même temps que moi? Leur dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, un homme répondit oui au messager d'Allah. Alors le prophète lui dit alors, je me suis dit, mais qui donc me trouble pendant la récitation du Coran ? Depuis ce jour, écoutez bien cette partie-là, ils dirent ensuite, depuis ce jour où ils entendirent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire cela, les fidèles cessèrent de réciter en même temps que lui. Les fidèles cessèrent de réciter en même temps que lui lorsqu'il récitait à haute voix. Donc ensuite, depuis que le prophète ensemble leur a dit ça, il est rapporté que les fidèles, ils ont arrêté de réciter en même temps que le prophète ensemble. Donc le prophète leur a interdit. Ceux qui sont derrière ne doivent pas réciter en même temps. Cheikh Ibn al-Taymin, regardez ce qu'il va rajouter. Ce récit, Abu Huraira rapporte d'après Abu Daoud et Malik dans le Muwatta. Donc Abu Daoud, ce hadith-là, vous pouvez le retrouver dans la compilation d'Abu Daoud. Wa kadhalika l'imam Malik dans Kitab al-Muwatta. Et n'abroche pas le hadith de Ubada. Ce hadith-là, il n'abroche pas le hadith de Ubada. Donc écoutez bien ce que va dire Shir, cette analyse-là, pour comprendre la question. Il dit donc le hadith de Abu Huraira, celui-ci. Alors, le prophète, sallam, pardon, Cheikh ici dit que Abu Huraira, ce hadith-là, n'abroche pas celui de Ubada qu'on a cité précédemment, comme certains le prétendent. Puisque certains savants considèrent que le hadith de Ubada, mansour. Il est mansour. Comme certains le prétendent, il dit. En effet, il est possible de les faire concorder. En comprenant que ce hadith fait exception de la Fatiha et on ne peut avoir recours à l'abrogation lorsque la concordance est possible, lorsqu'on décrète les savants des fondements par rapport à ce qu'ont décrété les grands savants du fondement du hadith et de la jurisprudence. Je vous dis en arabe ce qu'il dit. Vous allez comprendre pourquoi Cheikh Ibn al-Taymin dit ça. Il dit « Wa'ad al-hadith »« Lamma wa'id lakum al-hadith » وعيد لكم الحديث واسمعوا وركزوا على هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لا إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذ روى أبو داود ومالك في الموطأ وليس ناسخا لحديث عبادة هذا الحديث ليس ناسخا لحديث عبادة كما زعمه بعضهم وذلك لإمكان الجمع بينهما بحمل هذا الحديث على ما سوى الفاتحة ولا نسخ مع إمكان الجمع كما قرره علماء أصول الحديث والفقه. Donc là, là l'auteur fait une analyse et cite un point important. Il cite un point important. Il dit qu'en fait, il dit qu'en fait, ce hadith-là qu'on vient de lire d'Abu Huraira, comme on l'a dit, il n'abroge pas le hadith suivant de Ubada. Pourquoi il abrogerait ? S'il l'abroge, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la différence ? Al-Fatiha, Arsent. Les savants, là en réalité, Cheikh Ibn al-Taymin sous-entend une question importante. Est-ce que lorsque l'imam récite Al-Fatiha, pour la lecture à voix haute, maintenant, est-ce que les fidèles récitent Al-Fatiha eux aussi ? Les savants qui considèrent que les fidèles, lorsque c'est une prière, ce qu'on appelle Al-Jahriya, n'ont pas l'obligation de réciter Al-Fatiha, lorsque l'imam la récite à voix haute, que la récitation de l'imam suffit, est suffisante, et les fidèles derrière n'ont pas l'obligation de la lire, considèrent justement que le hadith d'Abu Huraira vient abroger le hadith de Ubada. Abroge le hadith de Ubada. Et c'est pour ça qu'il faut bien analyser. C'est pour ça que je vous ai lu. C'est pour ça qu'il était bon, pardon, de lire plusieurs fois les récits. De lire plusieurs fois les récits. Et regardez, on est obligé même de le relire. Regardez si on revient au hadith de Ubada ibn Samit. Regardez ce qu'il dit. Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-subh. Donc le prophète, il a, dans la prière du subh, thaqulat alayhi al-qira'a. Alors le prophète ensuite disait, falam man sarafa, il leur a dit, inni arakum taqrauna wara'a imamikum. Je vois que vous récitez derrière votre imam. Alors ils ont dit, oh messager d'Allah, oui. La taf'alou. Alors le prophète leur dit, ne le faites pas, illa, sauf, bi ummil Qur'an. Sauf pour le Fatiha. Pour la mère du livre. Et ça, les savants qui considèrent qu'il faille réciter le Fatiha dans la prière à voix haute, même avec l'imam, même s'il l'a récité, ils se basent sur le hadith de Ubad ibn Samit. Puisqu'il dit, illa, le prophète dit, ne récitez pas derrière votre imam. Illa, c'est quoi? C'est l'exception. Illa, c'est l'exception. Illa bi ummi al-Qur'an, fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Ou lam yaqra biha. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi. Et on a dit aussi par Abu Daoud qu'il l'a, et At-Tirmidhi l'a jugé bon. Et donc, vous comprenez que ce récit-là, il y a une preuve. Il y a une preuve catégorique du fait de réciter le Fatiha. Même dans une prière à voix haute, et on est avec l'imam. On est avec l'imam. Sauf que l'avis d'une grande partie de savants qui considèrent que c'est pas une obligation pour le fidèle derrière, lorsqu'il prie derrière l'imam et c'est une prière à voix haute, Al-Jahariya, de la réciter, ils disent en fait le hadith de Usama, de Ubad ibn Samit, plutôt, est abrogé par le hadith d'Abu Huraira. Est abrogé par le hadith d'Abu Huraira. Et c'est pour cela que, regardez, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit « Laysa nasikhan li hadith Ubada ». Pourquoi ? Parce que dans le hadith d'Abu Huraira, il est dit que lorsque le prophète, sallam, dans le hadith, le deuxième d'Abu Huraira, lorsqu'il a dit « Hal qara ma'i ahadun minkum anifan », le prophète, lorsqu'il s'adresse à eux, il leur a dit « Est-ce que l'un d'entre vous a récité en même temps que moi ?» Alors un homme a dit « Na'am ya Rasulullah ». Alors, c'est là qu'ensuite, il est dit que le prophète, sallam, ensuite, lorsqu'il leur a fait part, en disant qu'il se doutait de cela, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se doutait de cela, d'une manière plus précise en traduction, ils disent que le prophète a dit, ne le faites plus, je me suis dit, mais compte-t-il à me troubler pendant que je récite le Coran? C'est de cette manière qu'ils traduisent, inni aqulu mali, unaza'ul Qur'an, qala, fantahan nas. Et regardez cette partie-là. Rakizu. Cette partie-là du hadith de Abu Huraira. Qala. Fantaha an-nasu 'an al-qira'ati ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fima jahara fihi Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil-qira'ati min as-salawat hina sami'u dhalika min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu cette partie-là. Qala. Qu'est-ce qu'a dit? Parce qu'il a dit ensuite, il a dit. Fantaha an-nas. Ensuite, lorsque le prophète a dit ça dans le hadith d'Abu Huraira, que les gens ensuite, il a dit, que les gens ensuite ont cessé. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté de réciter derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, dans une traduction littérale, فَانْتَهَا النَّاسَ عَنِ الْقَرَاءَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ils ont arrêté de réciter derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فِي مَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِي. Lorsque le prophète récite à voix haute, ils ont arrêté de réciter. بِالْقِرَاتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَيْنَ سَمِعُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Lorsqu'ils ont entendu cela du messager d'Allah. Vous avez vu ici, il n'y a pas d'exception dans ce hadith-là. Il n'est pas dit « illa bi ummi al-kitab » ou « bi ummi al-Qur'an ». Il n'y a pas d'exception. C'est pour ça que certains savants ont vu que, et c'est l'avis aussi de Cheikh Al-Albani, ils voient que ce hadith-là abroge le précédent hadith. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. On ne doit pas réciter derrière l'imam. Et que la lecture, la récitation de l'imam suffit. Et même pour le Fatiha, puisque dans le hadith de Abu Huraira, ils disent que cela est clair. Cheikh Al-Uthaymeen, pourquoi il dit non ce hadith? L'auteur, pourquoi il n'abroge pas le précédent? Pourquoi? Parce qu'il considère que la lecture de le Fatiha est une obligation. C'est son avis, c'est l'avis de nombreux savants, comme Cheikh Ibn Baz aussi. Et des fois, on a vu qu'il faille réciter le Fatiha lorsque l'imam récite même à voix haute, dans la prière, à voix haute, qu'il faille réciter. Donc pour eux, ce hadith-là n'abroge pas. Pourquoi l'auteur est dit n'abroge pas ? وَذَلِكَ لِإِمْكَانِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا. Parce que l'auteur, lui, Cheikh Ibn Uthaymeen, dit il ne peut pas y avoir d'abrogation. Parce qu'on peut réunir entre les deux textes. L'abroger de l'abrogeant, on revient à cette règle-là, dans les principes de la jurisprudence, lorsqu'on ne peut pas rassembler les textes. On ne peut pas rassembler les textes. Par contre, lorsqu'on peut rassembler, إِذَا كَانَ هُنَكَ إِمْكَانَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا سِوَى الْفَاتِحَةِ لَا نَسَخَ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعَ كَمَا قَرَّرَهُ الْعُلَمَاءُ ou ulama'u, usul al-hadith et al-fiqh. Par contre, lorsqu'on peut réunir les textes, alors il n'y a pas question d'abrogeant et d'abrogé. Le texte n'est pas abrogé. Sauf qu'il y a une belle faïda. Il y a une belle faïda, c'est que qui est-ce qu'a dit qala dans le hadith d'Abu Huraira? Rawi. Regardez, je vous le relis. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier de Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que quelqu'un a récité dans la prière? Un homme a dit oui au messager d'Allah. Alors il dit, je me disais que j'ai été troublé. C'est comme ça qu'ils le traduisent. Ici, la partie, cette partie-là. Mais qui donc me trouble pendant la récitation du Coran? Alors, c'est là qu'un des fidèles a dit moi. Et là, la personne dit, depuis ce jour, dans le hadith d'Abu Huraira, depuis ce jour où ils entendirent le messager dire cela, les fidèles cessèrent de réciter en même temps que lui lorsqu'il récitait à haute voix. Réciter à haute voix. Là, beaucoup de savants disent que c'est Abu Huraira qui a dit ça. Puisque c'est qui le rapporteur du hadith? Kama qultum, Abu Huraira. Donc beaucoup considèrent que c'est Abu Huraira. Mais c'est pour ça que c'est très pertinent pour ceux qui... C'est pour ça qu'on a déjà dit dans des assises, ceux qui s'intéressent. Vous savez, des fois, nous, on lit aujourd'hui, l'être humain, il est par nature curieux. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, on est amené, parfois, on lit les informations, et il y a la vie d'un tel, telle célébrité, parfois, on est amené à... Qu'est-ce qui s'est passé dans tel endroit, la vie d'un tel? Donc parfois avec notre curiosité, on est amené à creuser, puisqu'on est comme ça. Mais celui qui aime la science, qui aime le ilm, il faut creuser dans, justement, les rapports, les hadiths, les chaînes de transmission. Vous allez voir que c'est très pertinent, c'est très intéressant. Et les personnes qui aiment ça, vous savez, ils peuvent passer des heures et des heures et des heures assis à chercher parce que ça devient... C'est pour ça qu'il faut les clés. Une fois qu'on étudie les sciences clés, par exemple, la personne, il prend des bases dans ce qu'on appelle les usul de la jurisprudence, usul al-fiqh. Vous prenez des bases dans ce qu'on appelle al-mustalah al-hadith, ou al-qawa'id al-fiqhiyya, ou maqasid al-sharia. Vous avez des bases, des notions dans ces sciences-là. Ensuite, vous pouvez ouvrir les livres, vous pouvez vous approfondir. Ensuite, vous savez, il y a même des écrits de savants, des livres. Vous apprenez comment reconnaître les hommes et les chaînes de transmission. Ça s'apprend, hein. Exactement, ulum al-ala et il y a kutub al-takhrij. Ça, c'est une science qui s'apprend. Vous apprenez les pourquoi? Parce que les chaînes de transmission, il y a des rapporteurs, ils rapportent toujours des mêmes rapporteurs. Il y a des rapporteurs, par exemple, des grands imams, leur maître, c'était un tel, un tel, un tel. Les savants du hadith apprennent ça. Tel imam, tel rapporteur, son shir qui lui enseigne les hadiths, c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Donc ils savent que quand tel imam rapporte, s'il n'y a pas un tel, ça ne vient pas de telle voix, c'est pas possible, c'est daif. Il y a un problème. Ils savent. Ensuite, il faut apprendre les noms. Et si vous approfondissez dans ça, vous allez voir, c'est tellement intéressant, ilm al-hadith, que talabat al-ilm, il reste assis des heures et des heures et des heures. Jusqu'à un jour, vous avez déjà mentionné cette histoire. Un savant contemporain, même quand j'ai entendu cette question-là, j'ai dit, ajib, subhanallah, mashallah. Un talab al-ilm a posé la question à un shir, il lui a dit, shir, il se plaignait au shir, il disait, j'aime la lecture, j'aime étudier, shir, mais j'aime les livres, il dit, j'ai ma bibliothèque chez moi, j'aime tout ça, Et il dit au shir, Alhamdulillah, ya shir, moi j'ai mes 5 heures de lecture par jour. 5 sa'ad fil mutala'a, mutala'atul kutub. 5 sa'ad kul yom. Il lui dit, ya shir, Alhamdulillah, inni muhib lil ilm. Wa ana kul yom, andi 5 sa'ad lil mutala'a. Il dit juste, al mutala'a, c'est la lecture. Laysa al hifz, il ne parle pas de la mémorisation, tout ça, ça c'est waqt akhar. Mais il dit, lil mutala'a, j'ai mes 5 heures. Alhamdulillah. Moi, lorsque j'écoutais cette question que le talib l'a, j'ai dit, subhanallah, mashallah, kul yom andu 5 sa'at. Imaginez-vous, chaque jour, la personne s'habitue, il a ses 5 heures. 5 heures de lecture. Jalis, qa'id, ma'al kutub. Il fait ses 5 heures par jour. Imaginez-vous, à la fin de la semaine. 5 fois 7. Dans le mois. Dans l'année. Si la personne, il est constant. Et ce qu'on entend de la question de l'élève, c'est qu'il a ses 5 heures. Ah, je l'ai envié. J'ai envié l'élève. Le talib qui dit à son shir, parce qu'il ne parle pas du hifd, il doit avoir sa période, ses moments de mémorisation, bar de salat al-fajr, waqt al-murajara, réviser ce qu'on a mémorisé, etc. Mais ça, c'est juste un mutala'a. Mutala'a, c'est insan istamta'. C'est lorsque la personne, il prend plaisir, il s'assoit. Là, il ne mémorise pas, il fait de la lecture. 5 heures de lecture par jour. À simple écoute, c'est peut-être pas beaucoup. Mais si la personne il garde ce rythme sur du long terme, sur un mois, deux mois, trois mois, six mois, une année, deux années, 10 ans, 5 heures de lecture par jour, mashallah. Je ne sais pas si parfois on a 20 minutes. Exactement. Mais écoutez ce que va dire Shir dans la réponse. Et en fait, nous, des fois, on se demande si par jour, est-ce qu'on a au moins 20 minutes. Nisf sa'a, mutala'a. Des fois, on se demande si on arrive, par exemple, chaque jour à faire juste nisf sa'a ou sa'a. Ou sa'a. Quand j'écoute la question, le shir, min hayt kibal ulama, c'est un savant contemporain. Il dit au talib, il répond à la question, bil harf. Hada laysa bil kathir. Il dit, mais ça, c'est pas beaucoup. Il dit au talib, mais ça, c'est pas beaucoup. Il dit, nous avons des élèves ici, ils ont 12-14 heures par jour de lecture. Fujit. Subhanallah. Moi, j'étais content, j'ai dit, subhanallah. Andum kham salat, mutala'at, j'ai dit, subhanallah. Hatta ana, j'ai envié ce talib al-ilm. Ensuite, j'entends le shikh, il dit, voilà, là, laysa bil kathir, hada. C'est comme si le shikh, il disait, hada. C'est pas ça, talab al-ilm. C'est pour ça, un jour, j'ai entendu un shir qui était très fort dans la langue arabe. Très fort dans la langue arabe. Et lui, les livres qu'il enseigne, il y a toujours sa petite part de nahou, de grammaire. Jusqu'à ce qu'il a même enseigné Kitab al-Tawhid avec, toujours avec sa part de grammaire. Et un jour, il a dit à ses élèves, il y a une différence dans la langue arabe lorsqu'on dit talibul ilm بإسم الفاعل ويطلب العلم بالفعل المضارع. Alors lorsqu'on utilise j'étudie, قد أطلب العلم, c'est une chose. Et lorsqu'on on emploie, on utilise الإسم الفاعل en arabe, on dit أنا طالب العلم. Il dit il y a une différence. Il dit طالب العلم c'est quoi? ديدنه العلم. ليلا ونهارا. إذا استعملت الاسم الفاعل وتقول أنا طالب العلم بمعنى أنك ديدنك في النهر والليل كل النهر والليل ديدنك العلم. Toute ta journée, la nuit, la journée, c'est l'ilm. C'est la lecture, c'est la mémorisation, c'est l'apprentissage. Après, chacun selon ce qu'il aime et ses compétences. Il y en a et trassas fi ulum al-Qur'an. Il y en a trassas fi ulum al-hadith. Il y en a trassas fi ulum al-fiqh. Chacun ses ulum. Il y en a, ils vont se spécialiser fi al-Qur'an ou al-qira'at. Il y en a, ils vont se spécialiser fi al-hadith ou ilm al-hadith. Il y en a, ils vont se spécialiser dans la jurisprudence. Il y en a, ils vont se spécialiser dans fi ulum al-lura, dans la langue, fi al-tafsir ou usul al-tafsir. À part si wahad, c'est un sheikh al-islam. imam fi kulli fan. C'est un imam dans tous les fans. Hatta fi al-falsafa wa al-mantiq wa ajib wa al-munadharat wa al. Dans tous les fans, qu'un imam. Il y a des savants, lorsque vous leur demandez une fatwa, les gens venaient, ils disaient, ya cheikh, il lui pose la question, le cheikh lui dit, anta tulid al-fatwa billah al-fiqh al-maliki, au shafi, au hanafi, au al-madhab al-hanbali. Tu veux une fatwa selon les rites malikites, hanbalit, shafi'it, ou il maîtrise tous les madhabs. Falaw sa'altahu fa huwa imam, le madhab al-maliki, au imam fil madhab al-hanbali. Et pour ceux qui savent déjà qu'on la maîtrise d'un madhab, ils comprendront la difficulté de cela. Celui déjà ou a mutqin bi madhabin wahid, subhanallah. Celui déjà qui maîtrise le madhab al-maliki, c'est pour ça que certains nous font sourire. Il ne maîtrise même pas un madhab. Il te dit rajih fi hadhihi al-masail kaza wa kaza. Tu dis, ya cheikh, est-ce que toi t'es d'obédience cache? Il te dit, ana maliki. Tayyib. Qala ahad al-ulama, lorsque vous allez voir si la personne, son fiqh, il est fort, famtanhin ou ikhtabirhu, fi masail al-fiqh al-mu'amalat. Ils te disent, si vous voulez voir si quelqu'un, il est compétent dans le fiqh, alors questionne-le fi masail al-mu'amalat. Al-hudud. والنكاح والطلاق الى اخره كوس باب الجنايه tout ça فقه المعاملات كتاب البيوع etc. En général, on n'a pas dépassé kitab al-sala. Et si on a fait kitab al-tahara et kitab al-sala complet, je machallah, c'est bien. Si la personne il est savant fait kitab al-sala, le kitab de la purification et de la sala, c'est déjà bien. Mais beaucoup on n'a pas dépassé. Alors ensuite, ils te disent Rajih fi hadhihi al-mas'ala kada wa kada. On n'a même pas la maîtrise d'un madhab. Et lorsque vous commencez déjà l'étude d'un madhab, déjà, masha'Allah. C'est pour ça que beaucoup de frères, par exemple, qui étudient fi al-mamlaka, ils ouvrent des livres madhab al-maliki. Ils disent parce que moi, de toute manière, je veux revenir au Maghreb. Et au Maghreb et en Afrique, c'est Madhab al-Maliki. Donc, là-bas, ils ouvrent les kutub de Madhab al-Maliki. Mais souvent, on se conseille, on leur disait, mais là, tu es dans un pays, ils sont mutrassisoun. Tu ne trouveras pas de plus grand savant que le Madhab al-Hanbali. Udrus al-Madhab al-Hanbali, inda ulama al-kibar, fi hada al-Madhab, wa idha raja'ta ila baladik, fi bilad al-Maghrib wa al-Afriqiyya, là, tu vois, il y aura des grands savants fil madhab al-Maliki, tajlis ma'ahum, wa tatafaqqa, wa tatakhassas fi hadha al-madhab, hatta tkun mutqinan lil madhab al-Hanbali wa al-madhab al-Maliki. Wa masha'Allah. C'est très bien d'être, et sachez, de grands imams, eux, ils maîtrisent tous les madhahib. Et même certains madhahib pas connus. Parce qu'en réalité, il y a eu des plus grands imams. Mais leur madhab, ensuite, leurs avis ne sont pas leurs élèves n'ont pas propagé, il n'y a pas eu un travail comme ça a été fait par exemple pour les avis de l'imam Malik, pour Ahmed ibn Hanbal. Sinon, il y a eu de grands savants comme Layth ibn Sa'd. Layth ibn Sa'd, ils disent qu'il était encore plus savant que l'imam Malik. Pourtant, ses avis ensuite ne se sont pas propagés. Et donc, hada l'ilm, l'ilm, c'est vraiment quelque chose. Lorsqu'on rentre dedans, c'est un bahr, un océan. On peut rester des heures et des heures et des heures assis. Waouh! On prend du plaisir à lire les livres et faire des recherches. Pour ça, des fois, je lis certaines recherches et je vous fais partager certaines recherches pour que vous voyez les recherches des savants et comment c'est immensément intéressant. Alors le cheikh, il a dit à l'élève, pour la question on revient, il a dit 5 heures, c'est pas assez. Khem sa'at, 5 heures de lecture, c'est pas assez. Il lui a dit 12 heures, 14 heures. Ils ont les élèves, talabat al-ilm fil ilm. Les vrais élèves. Pour cela, un cheikh, il disait, At-talibul ilm bi ism al-fa'il, c'est celui que la nuit, de nuit comme de jour, il est dans l'étude et l'enseignement et la lecture des livres. Là, on peut dire, talibul ilm, daydanuhu al-ilm, laylan wa nahara. Par contre, il a dit, celui que le savoir et la science, la lecture des livres, c'est pas de nuit comme de jour. Il lit, il a quelques heures de lecture. Alors il dit, tu utilises le mudhari'a. Tu dis atlub al-ilm. Tu dis pas talib al-ilm. Vous avez compris pourquoi kalimat talib al-ilm, certains ulama al-kibar fi hada zaman disent ana tawilib al-ilm. Certains savants disaient je suis un petit talab al-ilm. Et des grands savants al-kibar, lorsque vous demandez hata ya shaykh alimuna wa shaykhuna, te dit la ana talab al-ilm. Ils considèrent que c'est des petits étudiants. Quand on vient te voir, toi, il te dit « Anta talib al-ilm » Tu dis « Naam, anta talib al-ilm » Parce que beaucoup ne savent pas c'est quoi talib al-ilm. Kalimat talib al-ilm. Talib al-ilm, ism al-fa'il. Subhanallah. Vous vous souvenez du hadith? Un jour, des gens étaient venus au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus au prophète pour apprendre. Ils étaient venus voir le prophète juste pour apprendre. Le prophète a dit « Marhaban ya talab al-ilm » Bienvenue au talab al-ilm. Bienvenue aux étudiants en science. Sharaf. Il n'y a pas meilleur dans cette vie d'ici-bas. C'est pour ça qu'il y a une parole qui dit « Utlub al-ilm yunfiqullahu alayk » Apprenez la science, Allah dépensera pour vous. Allah dépensera pour vous. Je me souviens, Oula Ajib, d'un frère, il y a des années de cela, des années, hein, très longtemps. Les premières omras qu'on avait déjà faites avec à l'époque avec la mosquée. Il y avait un frère, tout le temps, on les voyait dans les assises de Cheikh Abdelrazak al-Abbad à Médine, et tout le temps, vous avez vu qu'ensuite, lorsque les élèves, yansarifouna ma'a Cheikh, ils suivent le Cheikh pour poser des questions. Vous avez vu, Cheikh ensuite, il descend au parking jusqu'à pour récupérer sa voiture. Et il y a des élèves qui le suivent jusqu'au parking. Il pose des questions jusqu'à ce qu'il... Vous avez vu, Cheikh, il répond aux questions jusqu'à ce qu'il monte dans sa voiture. Donc, pour ceux qui vont faire l'Omra, et qui, jusqu'à aujourd'hui, hein, Ajib, et ça, ça a pu décennier, hein, de nombreuses années, Cheikh, après son dars, après Salat al-Fajr, il répond aux questions des Toulab, des pèlerins, de l'Hujjaj, ils le suivent. Vous avez vu, à la grande mosquée de Médine, vous marchez fait Saha, vous sortez de la mosquée, il y a l'esplanade, ensuite, il y a l'ascenseur, et les escalators, plutôt. Et ensuite, il y a même des ascenseurs. D'ailleurs, une fois, on s'est bloqué dans l'ascenseur avec le père, Al-Walid. On l'a fait, Rahna. Voilà. On était... on avait vu sur l'esplanade Cheikh Abdelmassal Abbad. Subhanallah. Obi na'mati rabbika fahadith. Le Cheikh Abdelmassal Abbad, il y avait un talib qui le poussait. Qui le poussait en fauteuil. Et puis, il y avait des talabat al-ilm qui étaient autour, qui lui posaient des questions. Alors nous, on était avec un... Il me semble un frère ou tout seul, je ne sais plus. Et on attendait que les gens posent les questions jusqu'à ce que Cheikh, ils l'ont emmené dans un ascenseur. Et un ascenseur fait Sahat al-Masjid al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh, ensuite, il est rentré dans l'ascenseur. Dakhala fait l'ascenseur, on a réussi à rentrer, on s'est faufilé dans l'ascenseur. Ensuite, il y a un autre Cheikh, Ajib. Il y a un Cheikh, Alim, un savant de Médine, qui est rentré dans l'ascenseur et l'ascenseur, ensuite, ils l'ont fermé. Et l'autre Cheikh, il était en fauteuil roulant aussi. Et Cheikh, il voyait plus trop, Cheikh Abdelmassin. Il voyait plus trop. Donc le Cheikh était à côté, ses élèves ont dit, il y a Cheikh, il y a Cheikh Foulan qui est là. Et Cheikh était là, Cheikh Foulan? Ils ont dit, eh Naram, il a dit, Hayakallah. Et Cheikh, il dit, Abdelmassin. Il dit, eh Naram. Ensuite, ils ont fait une conversation les deux. Ils disaient, Salam alaikum, Hayakallah. Ils ont commencé à parler les deux Cheikh, les anciens. Et tout d'un coup, l'ascenseur s'est bloqué. Après ton lab, ils ont dit, je fais, ils ont dit, l'ascenseur est bloqué. On se dit, Alhamdulillah. On est bloqué avec le Mashaykh. On était bloqué avec Cheikh Abdelmassal Abbad, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle est repartie, l'ascenseur. Et pour vous dire que le ulama, ils vont jusqu'en bas, dans leur voiture, vous pouvez les questionner. Ils sont disponibles. Et depuis des années, il y a un frère. Vous descendez jusqu'en bas, il posait toujours les questions à Cheikh Abdelrazak. Jusqu'à ce qu'il va dans sa voiture. Des années après, je me rappelle, des années après, on avait fait une Umrah, et après Salat al-Fajr, on avait assisté au Dars de Cheikh Abdelrazak. Mais vraiment des années après. On avait une question, on est descendu, on suivait Cheikh, jusqu'on est descendu, et je vois encore ce frère-là. Des années après, il me chie ma Cheikh. Je dis, oula, ajib al-akhada. Khan, inshallah. Il y avait même un frère de la mosquée d'ici, je lui dis, tu te rappelles de lui? me dit, ouais. Des années après, il me chie marcher. Adib. Et lui, il ne pose pas de questions des fois. Il marche, il est chauffé, il est content, mashallah. On revient, alors Umrah, des années après. C'est vraiment des années après. On revient, alors Umrah, je vois le Akh. Yemchi Marachir. Je dis, oula, Adjibada. Et le frère, vous le voyez tout le temps, j'en suis sûr, sinon on y va, il est assis encore. Oula, Adjib. Et on voit que le frère, il a une vie modeste. Hein. Ça se voit. Il est toujours fil haram. Jalis fil haram. Fi halaqat al-ilm. Ça, c'est un don minallahi azza wa jal. C'est un don minallahi subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ont fait 20, 30 ans, 40 ans, fi majid al-haram, ma'al ulama wa al-kibar, tu les connais même pas. Hub al-ilm. Ils vivent. Subhanallah. C'est ça, ni'mat al-ilm. En fait, c'est pour ça, celui qui lit de temps en temps, il dit « Atloub al-ilm ». Mais « Law istamala talib al-ilm ism fa'il », ça veut dire que lui, il est dans l'ilm, nuit, comme deux jours. Comme Cheikh al-Albani, il disait il passait la nuit, la lumière de chez lui, elle était allumée, tout le temps. La journée et la nuit, ou fil buhuth, ou al kutub. En fait, les savants, pour revenir à la recherche, il y en a, ils ont dit « La parole ». Regardez jusqu'à où les savants sont allés. قال فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ils disent ليس كلام ابي هريره عجيب ils disent en fait c'est le kalam de l'imam Zuhri le kalam de l'imam Zuhri je vous fais référence au bahth fi hada il y a une recherche sur cela comment ils ont trouvé qu'en fait c'est kalam de l'imam Az-Zuhri. Qalou, et vous pouvez retrouver Ibn Kalam, Ibn Abdelbar. Awalan, wa qala al-bayhaqi fi sunan. Qala al-bayhaqi, hafidha al-awza'i, kawna hadha al-kalam min qawli al-zuhri, fafasalahu an al-hadith. Wa qala Ibn Abdelbar, wa amma qawluhu fi hadha al-hadith, فانتهى الناس عن القراءة إلى آخر الحديث فأكثر رواة ابن شهاب ابن شهاب هو الزهري ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه من كلام ابن شهاب انتهى في كتاب الاستذكار وقال الحافظ ابن حجر وقوله فانتهى الناس إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري. Pour ceux qui ont assisté aux autres assises, vous en rappelez Moudraj, lorsqu'on dit le hadith. Vous avez vu qu'on a besoin de ces termes-là. Moudraj, c'est parfois lorsqu'il y a des propos dans le hadith, c'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole du rapporteur. Et parfois, on croit que c'est la parole du prophète ou autre, mais en fait, c'est Moudraj. C'est imputé. Comme par exemple, le hadith, où le prophète Sansam dit que le jour de la résurrection, ceux qui font les ablutions, on verra des lumières sur leur visage et des traces de blancheur par rapport aux ablutions. Et il est rapporté qu'ensuite il est dit dans le récit, فَمَنْ إِسْتَطَعَ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Que celui qui peut agrandir, allonger cette blancheur-là, cette trace de blancheur, qu'il le fasse. C'est pour ça qu'il est rapporté que Abu Huraira, il dépassait. Il dépassait Abu Huraira. En fait, ils disent que la parole « فَمَنْ إِسْتَطَعَ أَنْ يُطِيلَ عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » cette partie-là, on croirait que c'est le prophète qui l'a dit. Mais en fait, les savants disent « c'est Moudraj ». Ça, c'est la parole de Abu Huraira. C'est la parole du compagnon. Mais c'est pas la parole en fait du prophète. On appelle ça Moudraj. Lorsqu'il y a Idraj, Moudraj al-Hadith, c'est lorsque vous voyez ce terme-là, les savants de la terminologie du Hadith, ils disent qu'il y a un rajout. C'est pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils disent que le fait de rajouter dans les ablutions, à la base, les savants disent qu'on n'a pas à rajouter, puisque c'est de la main jusqu'au coude. Allah, dans le verset du Coran, dans Surat al-Maïda, il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum minas salati, farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu wa aydiyakum ilal marafiq. » C'est pour ça qu'en réalité, dans le verset, il y a quatre obligations des parties à laver. Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ça, c'est les quatre parties à laver. Le visage, les mains jusqu'au coude inclus, l'essuiement de la tête et le lavage des pieds. Regardez juste une petite faïda ici. Le lavage des pieds, on le déduit avec al-fatha. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on lit dans riwayat Hafs, dans le Coran, lorsqu'on récite, c'est Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Anda Hafs, vous avez vu, on ne dit pas wa arjulikum. On pourrait lire arjulikum parce qu'on pourrait se dire, on pourrait mettre une kasra parce que ça suit. C'est ma'touf. Parce que bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum. Et ce qui vient après, normalement, c'est ma'touf. Donc, wa arjulikum. Wa arjulikum. Mais en fait, c'est arjulakum. Donc, celui qui, riwayat Hafs, qui met une kasra, il s'est trompé. C'est une fatha. Donc, il faut la lire bil fatha. Wamsahu, et essuyez vos têtes. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Vous avez vu l'observation des harakat. C'est très important, les voyelles. Et pourquoi ? Parce que là, on comprend, si on le lit, arjulakum, ça veut dire que les pieds, on ne les essuie pas. Parce que si c'est une kasara, on peut comprendre que ça suit l'essuiement de la tête. Wamsahu biru'usikum, bil kasara. Et si on dit arjulikum, c'est comme si on dit, alors essuyez vos têtes et vos pieds, bil kasara. Mais là, on lit, وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ dans Haf, أَرْجُلَكُمْ. Et les savants disent, c'est la preuve que les pieds, on ne les essuie pas. Comme c'est l'avis d'une certaine doctrine, une secte, qui considère qu'on fait le masr sur les pieds, pour le lavage. Hein. On ne parle pas le masr al-khufayn. Ça, c'est une autre question qu'on a le droit. Sur les chaussettes, sur le khufayn, sur le hida, on a le droit, on verra cela. Mais le fait de laver, c'est laver les pieds. Parce qu'Allah a dit, وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُوا لَكُمْ. Pourquoi c'est une fatha ? Et pas une dhamma ou une kasra ? Parce que ça suit en réalité. Le hadf il est avant. Ça suit le début du verset. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَامْسَحُوا مَاذَا وُجُوهَكُمْ مَفْعُول بِهِ. Ça مَفْعُول بِهِ. Donc il est mansoub بِالْفَتْحَة. Avec la fatha. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Et donc les pieds, c'est pour ça, c'est أَرْجُلَكُمْ. Subhanallah. Et là, c'est une preuve. Vous savez que les savants, subhanallah, ils ont déduit quoi aussi ? Les obligations des ablutions. Beaucoup de savants disent qu'il y en a 6. وَحْفَظُوا هَذَا. Beaucoup de savants, surtout certains savants du Madhhab al-Hanbali, considère qu'il y en a 6 obligations des ablutions. Les 4 premières, on vient de les citer dans le verset. Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Le lavage du visage, des mains jusqu'aux coudes, l'essuiement de la tête et ensuite le lavage des pieds. On a 4. Les 6 obligations, la 5e obligation, regardez qu'est-ce qu'ils ont déduit, subhanallah. C'est ajib. Ils ont déduit parmi les obligations et tartib, l'ordre. Que lorsqu'on fait les ablutions, ça doit être par ordre et ça, c'est une obligation. C'est l'adhan. Après l'adhan, je vous donne la faïda, inshallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمات محمد الوسط. Juste pour terminer cette faïda, donc là, dans la 6 prochaine, Inch'Allah, on continuera sur la question Qira'at al-Fatiha, la lecture de la Sourate al-Fatiha derrière l'imam, lorsque l'imam, il fait une prière à voix haute. Il fait une prière à voix haute. Est-ce qu'on récite les prières derrière, récite al-Fatiha ou pas? On continuera cette question la fois prochaine, Inch'Allah, avec le détail de cette question, Inch'Allah. Pour terminer le Faïda, regardez dans le verset qu'on a cité dans Sourate al-Maïda, pardon. Certains savants ont déduit une obligation parmi les obligations des ablutions, la cinquième obligation, at-tartib, l'ordre. Ils l'ont déduit du verset. Et pour le déduire, c'est vraiment une observation minutieuse du verset. Ils ont dit en fait que dans le verset, on a une preuve que l'ordre est une obligation. Et dans le verset, Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum, wa aydiyakum, ila al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum, wa arjulakum, ila al-ka'bayn. » Donc Allah dit « Oh vous les croyants, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, et essuyez vos têtes et lavez-vous les pieds. » Je traduis comme ça « lavez-vous les pieds », mais il est dit « et les pieds, essuyez-vous ». Essuyez les têtes, ou plutôt la tête, non les têtes puisque c'est le pluriel. Essuyez les têtes et vos pieds. Littéralement, si on traduit, c'est comme cela. Et vos pieds. Et comme il y a la fatha, dans les riwayat haf, au qiraat haf, il y a la fatha, donc on dit wa arjulakum. Arjulakum. Et là, certains savants, ils ont dit où est-ce qu'on a preuve que l'ordre c'est une obligation? Il y a un ordre, bien sûr, à respecter dans le lavage. Mais que ce soit une obligation, une wajibat al-wudu, comment déduire cela? Certains savants, ils ont dit, regardez, on a des mansoubat. Les premières qui sont citées, elles sont mansoub. Mansoub, ça veut dire qu'elles sont avec al-fatha. Elles sont avec al-fatha. Ensuite, au milieu, on a al-kasra. Biro usikum, on a al-kasra. Ensuite, arjulakum, ça revient mansoub. Alors que, il y aurait pu avoir al-mansoubat, les mots avec al-fatha qui sont cités d'abord. Ensuite, à la fin, on met le kasara. Pour que ça soit en ordre. Si, et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, si Allah Azza wa Jalla, il a cité d'abord les premiers avec al-fatha. Ensuite, on a ru'usikum bil-kasara. Ensuite, arjulakum revient al-mansoub. Al-fatha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'ordre, il est obligatoire. D'observer cet ordre, il est obligatoire. De là, on comprend, si on fait les ablutions et on ne fait pas dans l'ordre, les ablutions ne sont pas valables. Regardez, ils ont déduit cela du verset par rapport aux voyelles. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.